Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jean-Luc, dans notre vie, on vit des moments exceptionnels. Hein? Est-ce que as-tu remarqué ça? Ben là, des moments exceptionnels. Ben oui. Mais oui, premièrement, nous entamons la deuxième semaine de notre section automne-hiver 2011-2012. Oh! Et j'ai aussi un nouveau micro. Ouais, ça sonne micro, hein? Ouais, vous trouvez? Je crois qu'ils ont tout investi sur le style et ça donne un son passablement exceptionnel. Oui. Ouais, tu trouves? Ben là, et on dirait vraiment un animateur de radio. Oui, mais ça fait pas le micro ne fait pas l'animateur. Oh! Hey, ça, c'est une phrase très, très, très importante là, qu'il faudrait se souvenir. Ben oui. Là, c'est juste un objet. Oui. Un accessoire. Et ouais, les S, hein? Ouais, les S sont assez fabuleux là-dessus. Oui. Un accessoire. Oh, allons-nous laisser ce micro-là en fonction longtemps? Je ne sais pas. Là, il est en vérification, là. Peut-être placer un petit auvent. Oh, peut-être. On verra, OK. Mais sinon, je trouve que ça donne une respiration à cette émission. Ouais, ben moi, je trouvais pas que je ne la trouvais point claustrophobe. Non. Ben voyons, tu ne sentais pas à un moment donné qu'il y avait pas d'oxygène à travers les circuits narratifs? Ben non. Tu trouvais pas non plus que les virgules étaient presque enlevées de l'émission? Enlevées? Oui, on les avait retirées. Oh. Il y avait plus de points. Plus comment? Il n'y avait, ouais, c'est les poups. Il n'y avait plus de points. Oh! Ouais, un point, c'est tout. Oui, oui, c'est ça. Puis, en même temps, les gens qui nous regardent à la télévision. Oh! C'est pas une télévision. Comment? C'est pas une télévision. C'est pas une télévision. Ça a jamais été une télévision. Oh! Non, et puis, c'est jeune. C'est vrai, c'est pas jeune une télévision. Non, ça a jamais été jeune une télévision. Ça a déjà été. Dès sa première année, c'était un vieux médium. C'était tellement dépassé. Ouais, même quand on ouvrait la télé, c'était dépassé. C'était au-dessus de nos capacités intellectuelles. Ben voyons, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est heureusement rapidement devenu un soubassement de la connaissance intellectuelle. La TV. Oh! Il faut la voir, la télé. Oui, comme disait Jean-Luc Godard. La télévision crée l'oubli. Hey, c'est vrai, ça, la télévision crée l'oubli. La télé, oui. Puis là, une chose qu'il ne faut pas oublier, nous sommes le 30 novembre. Non, septembre. Septembre déjà. Ben oui, mais t'allais dire novembre. Ben oui, mais moi, les mois, les années n'ont pas d'emprise sur ma personne. Non, mais ta personne n'a pas d'emprise sur toi. Hey, c'est vrai, moi, il n'y a personne qui me prend, puis je prends personne, et même moi-même, j'ai de la difficulté à me maintenir. Et puis? Je garde le cap. Comment tu fais? Pour garder le cap? Oui. J'essaye de prendre tout ce qui m'appartient. C'est-à-dire? Rien. Oh! En n'ayant rien, c'est très facile de quitter. Hein. Il suffit de prendre son baluchon. Oh! Et de prendre le chemin. Oh, lequel? Moi, j'ai dit le chemin du bonheur. Oh! Mais sans le prendre trop tôt, là. Ouais, parce que le bonheur sur le bonheur, c'est pas très, très heureux. Faut pas trop ambitionner sur le bonheur. Oh! Le bonheur n'aime pas ça. Ouais, c'est ça, là, c'est... Mais là, c'est ça, c'est le 30 septembre! Hey, c'est vrai! Arrête de dire c'est vrai, ben oui! Hey, le 30 septembre, là, c'est... c'est trempe, hein? Ah, c'était trempe, c'est humide, même, avec... Beaucoup, beaucoup... Beaucoup de... Oui, dis-le. Je voulais dire d'émotion. Ben, vas-y. Émotion. Bon, ça fait du bien. Mais ça m'amène un petit clinquement au niveau de la gorge. Clinquement? Ben oui, t'as jamais entendu ça? J'ai un clinquement? Non. J'ai un clinitwood. Ah, ben là, c'est autre chose. Mais un clinquement, c'est une fermeture de l'œsophage. Oui. Qui ne veut plus se reconstricter et laisser passer l'oxygène. Encore l'oxygène? Toujours l'oxygène. Ma vie est basée sur l'oxygène. Oh! Contrairement à tout le monde. Oui, mais tout le monde aussi a besoin d'oxygène. Ah, mais les autres, c'est pas important. Moi, mon oxygène, ma vie, mon œuvre. T'as pas d'œuvre. J'ai pas de vie. J'ai pas de vie. T'as rien. J'ai rien. On a rien. On a rien. Mais le 30 septembre, on doit souligner des moments forts, des moments très, très, très importants. Oh! C'est-à-dire, il y a des anniversaires dans l'air. Oh! Pas sous la terre. Oui, également dans l'underground. Oh! Plus c'est underground, plus ça sent la création. Oui. Ça sent le rock'n'roll. Comment? Le rock'n'roll. Le rock'n'roll. Oui, monsieur, le rock'n'roll. Hey, t'as le micro rock'n'roll. Ah, merci, monsieur Tremblay. Vous êtes tellement gentil. Moi, c'est Baudin. Monsieur Baudin, ça va bien? Ça va très bien. J'aimerais ici, je suis le tout premier. Ah, non! Ben oui. Le tout premier à énumérer les anniversaires de ce 30 septembre. Ben, allez-y. Hey, c'est la fête de Monica Bellucci. Benica Bellucci, oh yeah. Oh, OK. Je suis en train de faire une digestion orale. Ben, normalement, les digestions, c'est intellectuel. Oh. Ensuite, c'est la fête de Marion Cotillard. Oh, mon Dieu, la paf. Complètement paf, Madame Coco, Cotillard. Coco, parce qu'elle a fait Coco aussi. Oh, elle était Coco. Coco. Plus que Chanel. Ensuite, c'est Charles Juillet. Ça plus Charles Juillet, son anniversaire, c'est en septembre. Tu parles d'un insignifiant, toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un insignifiant? Oui, il est mort en 1934, en plus. Mais pas capable de vivre. Pas capable de vivre. C'est un... On va le renommer, là. Charles Juillet, c'est un écrivain français. C'est un Français pas capable de vivre. Il y en a d'autres, là. Il y a Thomas Joinet. Thomas Joinet, ben, c'est un Genevois, hein, un Suisse, né le 30 septembre 1970. Oui. Est-ce que je suis en train de dire que la personne est morte et pas morte? Charles Juillet n'est pas mort. Il est né à Jujurieux. Hey, tabarn. Hey, il n'y a pas chanceux. Juillet à Jujurieux. Qui l'eût cru? Ben, sa mère, oui. Son père, oui, ainsi que ses nombreuses sœurs et frères, oh. Mais on va revenir, il faut faire un arrêt sur ce bonhomme, là, Charles Juillet. C'est un écrivain français toujours, né à Jujurieux le 30 septembre 1934. C'est un écrivain de la solitude. La solitude, ça n'existe pas, non, mais l'écho, voilà, si le micro va tenir. La solitude, oh, c'est bon. Ça n'existe pas, non, oui. Non, oui. Je sais pas. Alors, la solitude de Monsieur Juillet, j'allais dire Jujurieux, mais ça, c'est la ville où il est né, Jujurieux. Et si vous savez, sur Google Maps, là, allez voir ça, bon, j'en ai aucune idée. Peut-être que sur mon site Internet, je le mettrai incessamment, là, dans quelques jours, quelques années, si ça m'intéresse, mais là, Jujurieux. Si vous êtes de Jujurieux, là, je vous embrasse, je vous aime, et puis, c'est un très bel endroit pour évoluer. Et oui. Donc, c'est un écrivain de la solitude. Charles Juillet est longtemps resté dans l'ombre avant d'obtenir la reconnaissance discrète de ses... trois points de suspension. Charles Juillet. Bravo Charles, continue. Ensuite de ça, c'est la fête également de Elie Wiesel. De Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est un écrivain américain. Né à Signet. Hey, c'est bon pour un écrivain naître à Signet. Il n'a pas perdu la page. OK, né à Signet. Il a eu un prix Nobel. Attention, là, c'est un moment de... De recueillement, là. C'est pas n'importe qui, là. C'est pas Renal Gagné, là. C'est pas Erance Naldienne, ça, là. C'est pas un insignifiant, là. Hey, il y a eu le prix Nobel de la paix en 1986. Elie Wiesel est défenseur inconditionnel de la liberté. Yeah! Yeah, la liberté, yeah! Avant, je marchais à l'Héro, c'était chouette. Oui. Là, je suis à la méthadone, c'est extra. Mademoiselle? Là, on parlait de Elie Wiesel. Il est pas, il valorise pas ça, lui-là. Là. La liberté, mais pas ce genre de liberté-là, Madame qui? Madame Chose. Madame Chose. Là, vous nous dérangez. Là, vous mettez une petite brise de suspicion à travers cette trame narrative qui s'amorçait avec beaucoup de génie et d'intelligence. Ben, quand c'est génial, c'est assez intelligent. Ben, dans mon cas, non. Moi, dans mon cas, ça tient pas. Il n'y a rien de génial. Il n'y a rien de... Mais là, là, là, vous venez de rendre obsolète ce que je voulais dire à propos de monsieur Ely Whistle. Avant, moi, je marchais à l'Héro, c'était chouette. Là, je suis à la méthadone, c'est extra. Votre vie, mademoiselle, là, vous en êtes sortie tranquillement, là? Bon, tant mieux, là. Continuez votre beau travail, on vous embrasse. Alors, Ely Whistle, non, c'est difficile avec elle, là. Enfermez-la. Ceinture de chasteté. Non, c'est de réforme. Une ceinture de réforme. C'est pas une ceinture de réforme, c'est une ceinture de chasteté. Non, mais pour l'emprisonner. Ah, c'est une camisole de force. Camisole de force. Deuxième degré. Deuxième degré. Ceinture d'âne. Ceinture d'âne. Troisième d'âne. Deuxième d'âne. Troisième droit. Bon. Alors, née et signée à Roumanie le 30 septembre 1928. Prix Nobel de la paix. Bon, est un défenseur incontinent de la liberté. Une valeur qui ne cesse de motiver. Mais bravo, monsieur Ely. Ensuite, c'est l'anniversaire de Tony Curtis. Tony Curtis. L'étrangleur de Boston. Merveilleux. Il est né à New York le 3 juin 1925 et décédé le 30 septembre. OK, on souligne sa mort. Le 30 septembre 2010. Ensuite, il y a Simone Signoret. Hey, il y a du bon monde, hein, Simone Signoret. Est née le 25 mars 1921 et décédée à Auteuil-Antouillet le 30 septembre 1985. James Dean. Hey, juste du bon monde. James Dean, James Dean. La grande dame de James Dean. Il est né en Indiana le 8 février 1931. Il est décédé en Californie le 30 septembre 1955, il n'y a pas si longtemps. Milangélique est né à Caprica le 26 mars 1956. Paprika, c'est pas paprika, c'est corica. Corica, c'est coquerica, corica, comme un coq, non, comme une poule. Une poule fait cocorica. Ben, dans ce coin-là, là, aux États-Unis, oui. Ah ben, ils sont très unis. Ils sont très unis. Alors, on est décédé à Dodo. Hey, wow, il est décédé à Dodo. Dodo perpétuel, le 30 septembre 2007. Hey, mourir à Dodo. À Dodo, Dodo sur le dos, à Dodo sur Dodo, c'est Dodo sur Dodo, c'est un kéké, un coco. C'est un coco, un écoco, un écoconomiste, un homme d'affaires, Milan Gélic, entre en politique en mars 2006. Hey, mon Dieu, il est mort un an après. Président de la RS République SRA. Et, sans oublier, juste des belles filles au début, là, hein, vous avez remarqué, hein, on a dit, pas n'importe qui, là. Hey, on a dit Monica Bellucci, on a dit Marianne Cotillard. Deux pétards. Et là, on a une intellectuelle. Là. C'est l'anniversaire d'une intellectuelle. D'une femme qui vit pour grâce. Mais pas, est-ce que c'est grâce au rock? Grâce au rock. Ah oui, oui, oui. Son sang qui circule à travers ses veines, c'est pas du sang rouge, c'est du sang rock'n'roll. C'est pas si drôle. Non, j'ai pas dit rock'n'roll, j'ai dit rock'n'roll. Rock'n'roll attitude. Elle a la rock'n'roll attitude comme... Johnny Hallyday. Oh mon Dieu. Oui, Johnny Hallyday. Ah, lâche-moi, dis-le pas une autre fois, Johnny Hallyday. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle a quel âge? Ah, ben ça, on peut pas... Je me suis interdit de mentionner son âge, histoire de camoufler autant d'intelligence et de beauté à travers cette demoiselle qui nous a rencontrés à Errance Reynaldienne au mois de juillet. Et on a eu beaucoup de plaisir, nous avons discuté. Aujourd'hui, on la met sur le phare et elle s'appelle Isabelle Shirley. 30 septembre, la fête d'Isabelle Shirley. Alors, je sais qu'ailleurs sur la planète et malheureusement en France, on dit « Happy birthday », toi, il n'est pas ici. Ici, là, on utilise un autre thème musical, une autre harmonie et c'est... sur l'hymne national du Québec, qui est « Jean du pays ».« Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler ». Mais là, c'est Isabelle Shirley qui se fera chanter cette chanson. Alors, écoute bien qu'est-ce que ça donne. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est pas ça.

the top of the bottom, I shall poison the city, sin with fire. Corpus and Harry, Nathan, and Sister, the messenger's wings seems to fall with desire. Blueberry picnics and pincers and magpies, the messenger's scope, will you please look at higher? Children and adults, all those under 19, are truly disgusting, will you please put it down? Strain this fray, there's no kind of worth saving. As king, I'm quite just, but it's just quite impossible. Aerobin, aerobin, aerobin, a bad, no democracy, and verse can make lying worth dying. Folks, seen awkward exit the pig. Peel back the skin. Enter of the sunshine. Gorgeous. What do you king find? On your mind. Follicles intertwining. Adjusting his nose. As he reads from his scroll. Of his head, take his head from his neck off. Acquiring memories, but lovely and guilt from. Put out his eyes and then cut his nose off. Sanctimony, sycophant, stir in the bushes. Scoop out his brain, put a string where his ears were. All the king's sorcerers and all the king's men. Swing whole mess at the end of the wire. Scratch out his eyes with the tip of a razor. The wire extend from the tip of a rose. Caroline, Caroline, Caroline, oh. But he retained the relevance of what once was a nose. Passing my rose and filled my bath under the water. Cascade, Rosa, the feeling, Cascade, Cyanide, Romano, Beethoven, Skull, Silly Wagon, Injustice, and Paradise, Universe, Inverse, Inverse, and Inverse, the Dolly Catalog, Questionable Learning, Sustenance, Cement, and Wrestling, and Duke Pride, Babble, Scrabble, and Browbeat, and Heard, Was Chewing on Muscles, and Joking on Dirties, Seize, Please, Seize the Order of the Day, Please the King, Please the King, Please the King Day, Casbah, Cascade, Rosa, the feeling, Not Water, Return the King's Here, but Still. Resin, the Taz, there's nothing. Content for the seething, for writhing and healing, and to victory poor, for sick with guards, the body, elders, and sinister, holy, the drowners, guard these painted on the seashore, the valorous divers, and reavers, and reavers. The guard on the carpet, the dusty pale jism that has no effect for the sick with the seesaw, the x-rays, offers converse, beavers, huddling verse, the divers and converse of beavers and turbers, and sweet pyrotechnics and guts have been structured of inverse converse, divers, burbers and beavers, hell's graveyard stand, they stay in the guard and frame, the slick and the scum reverse, inverse. And reverse and perverse. Slaughter while it's done away. Summon ready pig carpet. Meat. Slaughter upon the carpet. Pillow. Climbing to the casket. See the church bells gleaming. Knife the script to sick plate. Dinks are out and growling. The tail by the sea straight. Shoot a lifeguard drowning. Sea is full of fishes. Tasty full of casket. China plants are falling. Screw me in the daisies. Sick and shimmy collar. Slide this in my eyes. Treat it like a sailor. Falling free and nervous. Out to rest the queen dress. Dream the best of our ray. See the young girls dancing. Flies upon the beaches. Beaches like sailors. Teach to heal a holler. You would learn the same raging. Song. Down upon the carpet. Fire. Tickle upon the carpet. Set the house ablaze. Season bring it flaming. Suddenly to the ground grounds. Jizzy gauntlet's fortune. Line. Tied to chairs and ribbons. Drain it on the carpet. Down you're such a fire lad. Here's another dollar. Tie me to the moon, dear. Sick with Dutch's tailors. Endless Roman horse meat. Kings queen are empty. Sit there in the circle. Fish upon the carpet. Down below the table. Greeting for your lydian. Plain upon the fountain. Demon as a letterhead. Mural on a speech analog. Ready for a nickel. Julie at the porches. Slay the casket flinches. Suck your gentle blazer. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, rien ne se perd, rien ne se perd. Tan-tan-tan-tan, une fois dans l'année. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, à l'endroit, à l'envers. Joyeux anniversaire. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Ah, j'ai excité, hein? On dirait que c'est mon année. Ma f... C'est pas ma... Mon année. Ah, puis... Bah, oui, bah. Bon. Ah oui. Non, je le fais pas, celui-là. Je le retire. Monsieur le Président. Monsieur les pas trop catholiques. Et vous, Madame les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. Non, mais si les gens ne le savent pas, ils vont le savoir que c'est Errance Rénaldienne. Bravo. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé rénal de gagner. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Hey, on l'a vu la semaine dernière. Le docteur Mabuse? Non, l'errant rénaldien qui était abusé. Par qui? Non, par quoi? Par quoi? Par les mots. Les mots. Les modifications de son intelligence. Oh, mon dos. Régulièrement, lui, son intelligence le dérègle et l'amène dans des sentiers extrêmement, extrêmement irrespectueux pour sa personne. Comment ça? La semaine dernière. Oui. Tu sais que sa chambre est tout près d'une ruelle? Oui. Entre deux sacs à poubelle? Oui. À ordures? Qui c'est l'ordure? Les deux sacs. Oh mon dieu. On les a nommés Joe et Pan. Joe Ban? Non, Joe et Ban. Joe et Ban. Oui, Joe, c'est celui de gauche et Ban, c'est celui de droit. Oh, dans le milieu, il n'y en a pas. C'est la porte d'entrée de l'errant rénaldien. Oh! Et lorsqu'il entre ou lorsqu'il sort, il dit toujours bonjour à ses deux sacs à ordures. Comment ça? Ça lui rappelle le bon moment où il avait des amis. Oh! Et ses amis? C'était des ordures? C'était des gens peu fréquentables. Dans quel univers? Un univers souterrain. Oh! Pour ne pas dire intraterrestre. Ah, oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Ce n'est que la vérité. Eh, ça fait peur. Lui-même était devenu un intraterrestre. Et puis? C'est ça, là. Puis il s'est modifié. Il est devenu humain. Et tranquillement, il va s'en aller vers l'extraterrestre. Oh! Régulièrement, il sort de son corps. Ah, mon Dieu, c'est plus léger. Hein? Oui, ben ayant déjà un poids excédentaire, être en dehors de son poids, ça le rend un peu moins friteux. Oh! Un peu moins graisseux. Oh! Un peu moins lourd de consonance et de stratégie pour mouvoir un corps qui n'existe pas, puisque c'est toujours au niveau surnaturel. Ah, non, pas ces choses-là. Oui. Il se dédouble. Ah, mon Dieu. Il se dédouble en trois. Voyons donc. Il se détriple. Ah, il triple jamais, lui. Ah, il veut pas détriper parce que il voit en lui toute la capacité qu'il n'a pas, hein, et toute l'inconditionnement physique qu'il devrait avoir pour maigrir et devenir ainsi un homme très fort. Non, un homme quand même sportif et capable de franchir et de s'affranchir à travers une société qui lui demande d'être un être performant. Oh mon Dieu! Alors, est-ce qu'on peut performer là-dessus? Ben oui, on y va. Je n'ai du premier bruit. Oh! On recommence? Oui. Je nais du premier bruit, dès la naissance sonore, pour honorer l'espace, laisser du silence lancé dans la transe, les mots mitraillés à la guerre, au combat narratif qui perd et qui stagne. Oh. Qui télécharge mes émissions, la caisse à pause, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Mmh. Aujourd'hui, le vendredi 30 septembre 2011, bonne fête Isabelle, bonne fête Isabelle, bonne fête Isabelle. L'errance, les errances rénaldiennes, c'est subliminal. Non, sublirénal. Ouais. L'errance rénale, ça fait peur, hein. Elle doit avoir fermé son Windows. Oh. Son Internet. Oh. Son tout court. Ah, mon Dieu. Moi, je connais Chanson et Goliath. Je connais Chanson et Paul le basson. Oh mon Dieu. Non, le basson, l'instrument de musique. Oh oui, il ça joue comme ça un basson. Basson. Non, c'est ta voix. Ouais, ok, mais c'est comme un basson, là, mais sans ma voix. Oh! Ouais, c'est assez complexe comme idée. Ben, écoutez bien, c'est comme ça. C'est un basson. Mais non, c'est une flûte. Hey, lâche-moi, c'est un sifflet. OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes blues. Confluons la boussole au gestionnaire de... Hey, on dirait que c'est un cheveu qui, à travers le micro, c'est parce que c'est la lumière de mon projo qui reflète sur le micro et ça toujours, ça me fait penser à un cheveu comme j'ai les cheveux très longs, comme vous pouvez voir sur le moniteur. Ben, j'ai juste le goût de tirer après, mais c'est rien, c'est des reflets. Oh, tire sur les reflets. Ben oui, mais je vais attendre que le micro soit fermé. Ça va paraître un peu plus normal. Mais dans les deux cas, c'est pas normal. Bon, OK. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Isabelle Shirley. Journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shirley est l'auteur du dictionnaire des chansons de Nirvana que nous lui ferons entendre pendant nos deux prochaines rencontres. À travers nos deux prochaines rencontres, je sais pas quand, ben, parce que je me souviens plus des pièces musicales, mais tu vas voir, surtout tu vas entendre, tu verras rien, mais oui, là tu peux, parce que si tu regardes là, mais sinon, il n'y en a pas de problème, il n'y en a jamais eu de problème, il n'y en aura jamais de problème. Journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shirley est l'auteur du dictionnaire de la chanson de Nirvana, le guide de survie des feed rock. Hey, je sais pas comment ça survit une feed rock, hein? Au même titre que je me demande pourquoi, lorsqu'elles vont aux toilettes, elles sont deux ou trois à rentrer dans la salle de bain. Nous, deux ou trois garçons dans la salle de bain, ça fait déjà curieux. Imagine deux ou trois filles, qu'est-ce qu'elles font dans la salle de bain? Ah, c'est le mec. Ça parle des gars, ça parle des conquêtes, des êtres qu'elles ont flairés et recensés dans le bar pour mieux réentrer et un peu comme le taureau, foncer sur leur proie. Hey, monsieur, comme les hyènes, ah, mon Dieu, les renards, oh! Ou les chatons laveurs. Les qui? Les chatons laveurs. Les chatons laveurs. Ben oui, il y a des ratons laveurs, oui. Et il y a des chatons laveurs. Bon, garde-moi ça. Ben oui. C'est pas parce qu'on l'a jamais dit que ça n'existait pas. Oh, ça. Journaliste, bon, OK, on l'a dit. Le guide de survie et le guide du pari rock. Et croyez-moi que c'est un vrai pari. Le rock. Oh, c'est bon, ça. Elle collabore d'un même souffle au magazine Rock and Folk et WeLoveMusic.fr. C'est facile, vous faites www, love comme aimer, mais en une langue que je comprends pas, et musique encore dans la langue que je comprends pas, .fr. Elle écrivit également à Voici et au journal 20 minutes. Selon son entourage, elle fait les meilleurs muffins de tout Paris. Mais comme je n'ai pas goûté ces muffins, on va la croire. Sur le champ, pas sur le terrain, pas sur l'asphalte, sur le champ. Ah, c'est pas une menteuse, elle l'a. Mais non, c'est pas elle qui le dit, là, c'est son entourage. Ouais, montrez-moi son entourage. Qui est son entourage? Avez-vous son entourage à portée de main, là? Est-ce qu'on peut au moins s'adresser à quelqu'un de son entourage? Oui. Madame, vous êtes de son entourage à Isabelle Shirley? Oui. Bon, là, on aimerait, parce qu'on est des curieux, vous savez, hein, nous sommes une émission québécoise, Errance Renatienne, qui est diffusée à CKRL, la radio la plus, comment dire, donc, la plus ouverte sur l'originalité. Ça, vous le saviez, madame? Oui. Ouais, vous saviez même pas que ça existait, CKRL. Vous saviez même pas que j'étais sur la planète. Mais vous connaissez Isabelle Shirley, là? Oui. Bon, hey, comment vous avez amener ce fait-là qu'elle faisait les meilleurs muffins à Paris. Est-ce qu'il y a eu un concours de muffins à Paris? Oui. OK. Et ils étaient combien? 3, 4? Moi, on m'a dit 2. Est-ce que c'est vrai? 2 personnes? Oui. OK. C'était elle et Marion. Est-ce que c'est vrai que Marion était mêlée là-dessus? Là? Là-dedans? Oui. Elle était mariée là-dedans? Hein? Elle était dans... Oui. OK. Alors, les deux, parce que c'est des complices, c'est des sœur de Rock'n'Folk, c'est presque des jumelles, hein, ça c'est vrai, hein? Oui. Bon, mais lorsqu'elles ont préparé les muffins, est-ce que c'était des muffins réglementaires? Oui. Non, mais je veux dire, là, qu'on pouvait manger là, sans avoir de problèmes techniques, là, sans avoir des hallucinations, puis vouloir écouter Bob Dylan, puis l'embrasser, même si c'était un album, un disque, un CD. Oui. OK. Si parfois elles vous font peur, si parfois elles jettent un froid, quand elles plongent dans l'horreur, quand ma bouche dit n'importe quoi, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire n'importe quoi. J'ai quitté ma famille, j'ai largué mon emploi, je deviens mon pire ennemi quand elles me parlent. Donc, mais là, pourquoi c'est elle qui a gagné et non pas Marianne? Oui. Oui. Êtes-vous sûr que vous êtes compétente en la matière? Oui. OK. Alors, on va vous croire sur le champ. Madame, en juillet dernier, Rance Rénaldienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec cette demoiselle charmante et stylisée. Alors, un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors place aux mots, place au lyrisme rénaldien, place à l'envoûtement et en avant, la zizique! Tu as toujours vu chez les gens ce qu'ils avaient de moins bon. Oui. Tu n'as jamais rien fait comme tout le monde. Non. Et même devenu célèbre, tu t'es toujours méfié de ton prochain. Effectivement. Ma chère dame, se méfier de son prochain, c'est d'être aux aguets. Et lorsque l'on est aux aguets, on est toujours prêt à bondir comme l'aigle. L'aigle bondit pas, l'aigle vole. L'aigle vole. Le mien bondit. Non, c'est la vipère qui bondit. La vipère bondit. Bon, bondit. Non. La fauve bondit. Ça, c'est vrai, la fauve bondit. Le chaton bondit. Ah, oh, le chaton trottine. Ben non, il n'y a pas de trottinette. Bondit. Bon, dis-le, là. Ben, je l'ai dit, bondit. Bondit. J'aime ça, ça, là. Bondit. Je l'ai fait la semaine dernière. Bondit. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Charles. Cette nuit, encore une fois, nous te consacrons la place que tu mérites. Charles. T'as de la misère à partir? Non, je suis en deuxième. On dirait que la bretelle veut pas s'enfoncer. Ben là, la bretelle de quoi? Ben la bretelle de tout à l'heure. Oh, de pas de chasteté. Non, c'est pas une bretelle de chasteté, c'est une ceinture de chasteté. OK. Une camisole de force. De force. De force et de misère, je m'en souviendrai toute ma vie. Oh mon Dieu, ta vie est courte. Au moins, c'est aux 15 secondes. Le poisson, c'est 10. Le poisson, je pense c'est 3 secondes. Je crois que c'est 3 secondes de souvenance. C'est après ça, plus rien. Un génie. Ça, c'est merveilleux. J'en parle souvent du poisson. Quel être exceptionnel. Tu peux lui dire n'importe quel injure. Va te faire foutre, connard! Puis là, il se souvient plus à trois secondes après. Tu peux t'en dire des affaires à ton poisson. Tu le prends, là, tu sors du bocal. Là, tu dis, hey, toi, tu recommences plus. Tu le rentres dans l'eau. Tu lui fais faire des bouillons. C'est-à-dire que tu rentres ta main, puis là, tu le tiens. Puis là, il frétille. Hein, tu le tiens, puis là, il va se noyer. Là, hein, là, une fois qu'il est rendu rouge, là, ton poisson rouge, tu le ressors. Hey, t'as de la misère à respirer. Tu le rentres dans l'eau. Oui, je suis suivi par trois nanas par en arrière et deux bozos par en avance. Je suis aussi suivi par mon petit psychologue. Je suis aussi suivi par mon petit psychanalyste. Je suis suivi aussi par les policiers. Je suis suivi aussi par le FBI. Je suis suivi. Tout le monde me suit. Je vais faire des coulisses. Oh non, c'est pas, il va le dire. Oui, je vais faire des coulisses. Non, je l'ai pas. Je veux tellement le dire. Ben, mentionne-le. OK, je vais faire des coulisses. Comme ça, ils vont m'essuyer. M'essuyer. Oh mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Chabikovski. Ça, c'est de l'humour en dessous du seuil de la matière grise. Ça, c'est en bas de la calotte? En bas de la calotte. Dans les chaussons? Dans la chaussette. Ah, oh, mon Dieu, ça sent? Ça sent l'intelligence. Oh, oh! Il y a un léger fumet. C'est tout à fait normal. C'est le cerveau qui se met en fonction. Ah, ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. C'est là que ça se passe. OK, lâche les feuilles, là. Oui. Est-ce que je peux abandonner les feuilles, madame? Oui, OK. Allez-y, vous là. Hé, hey, la pile est à terre. Qu'est-ce qui se passe? Le noyau, oh mon Dieu, ma pile est à terre. Oh mon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on va prendre l'oncle Buck, OK. On peut pas continuer avec la musique. Il y a pas de musique. J'ai manqué ma thérapie, je me suis pas réveillée. Non? Personne ne m'éveille. Ah, évidemment, c'est à cause de notre problème sexuel. Mademoiselle, dans l'intimité, là, on parlera pas de nous, là. Premièrement, on se connaît pas depuis longtemps, là. Vous êtes une hôtesse de l'air depuis 2 semaines. Et vous êtes une hôtesse particulière depuis 3 jours, donc que... Ce qui se passe chez moi, ça reste chez moi. Ce qui se passe ailleurs, ça reste ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe où je suis perdu. Bon, je brasse, hein. Je ne suis pas en train de m'épivarder avec Mademoiselle. Hein? Et puis c'est ça, là. Alors, on va aller chercher ça ici. Oh, ça a débordé, madame. OK, on regarde pas, là, mais on fait comme si c'était tout à fait normal. Là, je mets ma bouche devant le micro. Tiens, celui-ci, ici, comme ça. Oui, allez-y, vas-y. Hey, arrête de choisir. Choisis pas, bon. Ah, attendez, c'est comme ça ici. Oui. Bon, on est prêt. La phrase, c'est « On envoyait toujours nettoyer la merde des pigeons. » Oh, je l'ai fait la semaine dernière, c'est pas grave. « On envoyait toujours nettoyer la merde des pigeons. » Oh, on la reprend pas, celle-là. On dirait qu'elle est toute fraîche, quoi, la merde. Non, la phrase, OK. Attends, celle-là ici. Là, on ne choisit plus après, là. Première phrase, c'est « Monk entra ». Eh oui. On lui avait demandé de jouer du piano, là. Puis il avait amené sa flûte. Je dis « Monk, dans toute ta carrière de jazz, on te connaît à jouer du piano. Vas-tu me lâcher la flûte? » Là, il dit « Ben... » Parce que ce qu'on sait pas dans sa vie intime, là, c'est qu'il adorait la flûte. Oh! Pourquoi c'est intime? Ben parce qu'il voulait pas que les gens soient au courant de sa manie des instruments à vent. Oh! Mais là, moi, j'en ai eu 20. Oh, bon Dieu! Je l'ai su. Oh! Et j'ai fonctionné avec du chantage. Oh! J'ai dit, mon manque, si tu veux pas que ta carrière s'éteigne, si tu veux pas que la tempête te retire de la musique. Écoute-moi. Puis là, il a dit, « Hey, mon enfant, tu me montreras pas à jouer du chantage parce que moi, je suis le plus grand pianiste de ma génération, quoique il y en a des flûtement plus bons que moi. Oh! Qui savent jouer du piano avant. » Ben voyons, du piano avant. Ben c'est du piano à cordes, normalement, hein? Oui, mais moi, c'est avant. Alors, ben, c'est assez unique, là. C'est avec les pédales. Oh! Tu fais des va-et-vient avec les pédales. Vous savez qu'il y a 3 pédales après un piano? Ben, j'en ai aucune idée. J'ai jamais regardé ça. J'ai plutôt regardé les doigts du pianiste, moi, lorsque je vais dans des concerts. Exemple, Elton John. C'est pas un pianiste. Ben, mais voyons, il joue du piano. C'est un pianoteux. Oh, un quoi? Un pianoteux. Un pianoteux? Un pianoteux. Qu'est-ce que c'est, un pianoteux? C'est quelqu'un qui essaye de des gammes. Ben oui, hey, à l'âge de 5 ans, il était au classique. Au classique. Qu'au classique? Non. Il était avec ses l'arpège. Oh. Il apprenait les gammes. Oh. Et les notes et les croches, 2 croches noires, noir, triolet, noir, blanche. Oh, OK, le solfège. Ben, c'est ça, j'ai dit le solfège. Alors, moi, quand je vais voir un spectacle d'Elton John, ben là, plus maintenant, mais à l'époque où il avait du talent, j'examinais ses doigts, pas ses pieds. Ouais, mais un piano d'Elton John, ça n'a pas de pédale. Oh! Comment ça? Ben, ça n'a pas de pédale. Ça n'a pas de pédale. Elton John, ça n'a pas de pédale. Ça n'a pas de pédale. Ça n'a pas de pédale. Ça n'a pas de pédale. Regarde donc, toi. Comment il fait pour ajuster? Ben, ça n'ajuste pas avec les pédales. Ça, c'est pour la durée de la note. Ah, oh, mon. Là, tu viens de perdre notre public, toi, là. On vient de te perdre tout court, toi. Ah, oh, mais non. Mais là, comment ça? Là, quand tu regardes son visage, quand il monte sur le piano, comment il fait pour toucher aux pédales, Elton John? Ben, là. C'est tout par la pensée. Ah, mon Dieu. Quand il me garde, Monk lui avait montré que lorsqu'il se juchait sur son piano, hein, avec un petit fil invisible, il pouvait activer avec ses doigts les trois pédales. Oh! Et lorsqu'il se trompait de pédale, oui, ben il se trompait de pédale. Oh! Puis quand il se trompait pas de pédale, ben quand il se trompait pas de pédale, il se trompait pas de pédale. Oh! L'histoire est en pédale, l'histoire est en pédale. Ah, mon Dieu, la pédale. Oui, monsieur. Il y avait la pédale assez fragile, donc souvent, ça modulait autrement. Quand il faisait Saturday Night for Life, là, tu sais, s'il vous plaît, de l'écho. Saturday Night for Life, là, il jouait du piano en même temps, puis là, il jouait avec la pédale. La pédale de droite, parce que, comme je vous l'avais dit, il y en a trois, mais lui, c'est de droite, pour que ça recommence. Saturday, ça s'arrêtait pas. Saturday night, les lumières, on s'est affaire avec la pédale. Non, la pédale, c'est la pédale, la lumière, c'est la lumière. Mais mélange pas la pédale puis la lumière, toi, là. Fait que là, Saturday night, quand il grimpait sur son piano, là, c'est avec le doigt qui agitait le fil, qu'on pouvait pas voir, un fil invisible. Et là, il continuait « Saturday » avec le doigt. C'est pour ça qu'on croyait qu'il battait la mesure. Mais non, il activait la pédale avec son doigt. « Saturday night » complètement délirant, ça. Non, non. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est délirant, c'est parce que ton cerveau est pas adapté à ça, toi, là. Toi, là, c'est dans le concret, toi, là. Quand on dit 2,25$, c'est 2,25$, ça peut pas être « Oh, quelque chose de plus volatile. » Ben, 2,25$, c'est pas très volatile. Voilà, là. C'est quoi? C'est 2, 1$, 2 10 cents, puis 1 5 cents. Ça fait 2,25$. Oui, ben, là, tu peux pas voir ça d'une manière un peu plus extravagante. Ben, 2,25$ en scène noire. Ouais, bon, tout. Ou 2,25$ en billets. Non, ça n'existe pas des 2$. Ils ont enlevé ça sur le marché. Il n'y a pas de 2$. Lâche-moi ça, toi, c'est pas grave. On peut en faire des quand tu joues au Monokini, c'est pas le Monokini, c'est Monopoly. Monopoly, Monokini, c'est la même maudite affaire. Moi, je joue au strip mono. Au strip mono, c'est-à-dire qu'on joue pas avec l'argent. On supprime l'argent puis on enlève notre linge. Ah, au mois de juillet, c'est merveilleux. Ah, après ça, tu t'en vas faire un bain de minuit. Puis t'écoutes Elton John avec sa pédale. Ça nous donne l'envie de vivre. Ah, mon Dieu. Puis là, qu'est-ce qui arrive avec Monk? Ben, c'est ça. C'est Monk qui a montré à mon ami Elton à jouer de la zazale. Parce que dans le milieu, on appelle ça la zazale. C'est le petit doigt, l'index qui remplace, mais le fil imaginaire, le fil invisible, à jouer de la pédale. Et la phrase, la première phrase, c'était, oh, j'ai dit la phrase et non pas le premier mot, le titre. Ah non, c'est ça, le titre, c'est la Dame Torride. Et la Dame Torride, à Hérence Rénaldienne. J'ai un autre grief contre toi. Oui. Tu sais, tu es un tel égocentrique que si moi je manque ma thérapie, tu déclares que c'est toi le plus affecté par la chose. C'est vrai. Qui m'ont remercié,

And they are conjuring up those demons. Basically, they're taking spells out of that book, or they're taking demons out of that book and working it into a song that basically conjures up these demons, man. Holy shit. Oh, dude, it's way insane. That's gnarly, man. Dude, trip out on this. Extérieur nuit. Action! Ah, mon amour. Je ne peux vivre sans toi. C'est du déjà vu, hein? C'est du déjà vu. Non, je te le dis comme ça, on te souffle. On me souffle. Non, arrête de le dire. Arrête de le dire. Arrête, couche-toi. Je me couche. Oh. Je meurs de n'être point aimé. Point aimé? Point pémé. Point pémé. Point pas la ligne. Je ne suis qu'un pitre qui change les chapitres. Diégétique. Qu'est-ce que t'as? J'ai reçu une balle en plein cœur. Oh. Puis tu parles encore? Je parle encore. J'ai fait du théâtre. Je suis un homme dramatique. J'ai toute la structure intersidérale qui m'entre dans les pores de la peau. Oh. Je suis un comédien. Un tragédien. J'amène les pleurs comme on amène l'eau à l'enfant. Comme on amène le sein au nourrisson. Comme on cherche son voisin à travers la brume pour lui dire « Lucifer, Lucifer, j'ai aussi souffert. Je fus un jour heureux lorsque je gambadais presque nu dans la foulée des horizons. Lorsque moi et toi étions fusionnels. Tu nous vois encore. Ah, le cerf-volant s'en rappelle encore. Mais soudainement, le jour arriva. Et nous voilà. Demain. J'ai un autre grief contre toi. Hey, toi monsieur, hey, tu sais, tu es un tel égocentrique que oui. Si moi je manque ma thérapie, tu déclares que c'est toi le plus affecté par la chose. Madame, nous étions dans une fabulation exceptionnelle d'un drame obligatoirement intransigeant et structurellement composé d'improvisation. Vous avez venu couper tout ça avec votre insignifiance. Vous ne pensez qu'à vous, votre petit nombril. On s'en balance éperdument, madame. C'est clair, ça? Ici, on jouait dans le sérieux. On tripotait de l'émotion. On suctionnait des larmes. On amenait la tendresse à ébullition. On bouillait de sensations fortes venues de notre cœur éperdument, savoureusement. L'étumant? Non. Nous cherchions l'âme à travers les mots, la musique enjambait la structure narrative et nous étions comme deux adolescents qui gambadaient dans les écoles à la recherche du savoir. Eh, mais aujourd'hui, ça gambade plus, hein? Ça fête par-dessus fête, ça surboom par-dessus surboom. Les études, c'est pas important. Ce qu'ils veulent, c'est la note. Oh. Combien ça prend pour passer? Quel examen qu'il faut faire? Quelle est la question? Ils veulent pas lire de livres. On leur demande hein, le nouveau roman de mon ami Big Bédé. La fille française, là. Non, c'est la jeune française, la jeune bandaise. La bandaise. la rignolaise. Là, j'ai levé la main en disant, j'ai lu ce bouquin. Hey, sur un média internet, là, cybernétique. Parce que j'ai dit ça, hey, tous les étudiants et étudiantes ont voulu savoir mon résumé de l'œuvre. De ce grand écrivain Qui est monsieur Bégayé pendant la majorité de sa carrière d'écrivain, mais aujourd'hui s'arrête, prend son cerveau, place ça sur la feuille et écrit des textes quand même très très révélateurs de notre déchéance humaine. Comme le mentionnait Jim Morrison, il va m'actionner. Qui ça, Jim Morrison? Non, monsieur Pic. Hey, on a des interférences. Ben oui, c'est le nouveau micro. 1, 2. Interférence, m'entendez-vous? Oui, on vous entend. Oh, vous êtes interférence. Oui, on entend l'interférence. Ben, depuis quand on n'entend pas l'interférence? Ben, depuis qu'on s'imagine que ça ne fait qu'un. Qu'un intervenant sonore, là, qu'une musique fait... On ne croyait pas que ça avait un langage, ça, l'interférence. Ben oui, tout est un langage. Il suffit de le traduire. Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est... Madame, mademoiselle, messieurs, avons-nous toutes les... Avons-nous capté toute la stratégie intellectuelle qui vient de se dire là? Non, il n'y avait rien d'allumé. Tout était éteint. Ah, mon Dieu, tout était éteint. On aime ça, là, nous, tout était éteint. C'est pas parce qu'il est deux heures, il est quelle heure, là? Une heure et quelques de la nuit qu'il faut tout éteindre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cerveaux en fonction actuellement là, qu'il faut s'anéantir dans la bêtise humaine. Ah, mon Dieu, je t'ai pas dit de te placer à quatre pattes. Je ne mettrai jamais à quatre pattes. Sauf quand un bambin veut s'amuser et jouer au cheval. Je fais bien le cheval. Ah, mon Dieu, tu ris bizarre. Non, c'est pas un rire bizarre, c'est un hennissement. Oh, quand j'étais cheval, mal rayé. Comme le disait Jim Morrison. Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Errance Rinaldienne, j'ai quelqu'un qui est venu me raconter un peu mon émission la semaine dernière. Ben, il y a peut-être un mois et demi, là. C'est pré-enregistré. Moi, c'est pré-enregistré. Oh, j'ai eu peur. Ben, pourquoi? Ben, le pré. Pré, ouais, mais le jardin est dans le pré. Ben non, c'est le pré qui est dans le jardin. Le jardin est dans le pré, le pré est dans la plume, la plume est dans le plot, le plot est dans la plume est dans le mot est dans le temps. Dans les... Et puis, il est venu me raconter l'émission. Il dit, hey, toi! Attends un peu, on va mettre un peu d'écho d'imbécile. Alors, on a-tu de l'écho d'imbécile ici? OK, comme ça. Excuse-moi, là. Je reviens d'une belle soirée bien parosée. Ah, mon Dieu, c'est bien parosé. J'écoute ton émission. Bravo. Hey, toi, quand tu fais ça, là, t'es normal, hein? Tu prends rien d'anormal, hein? C'est dans ta tête que ça se passe. Y en a-tu de l'espace? On peut-tu se cacher dedans? Dedans ta tête? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça m'a l'air tellement moelleux, tellement subtil, tellement laborieux, tellement pépé. T'es-tu pépé? Mon pépé, t'es-tu pépé? Pépé. On ne dira pas la recette d'Errance Rinaldienne, là. C'est pas le moment de... On n'est pas dans un confessionnal. C'est gagné. Vous pouvez pénétrer. Ben, est-ce que je peux placer par en avant? Soyez en avant. Vous êtes en arrière? Non, je suis en avant. Ouais, mais on peut pas être les deux en avant si vous êtes en avant et je suis en avant. Pénétrer. Ah, oh, mon. Où ça? Dans le confessionnal. Oh, dans le confessionnal? Dans le confessionnal. Oh, mon Dieu, j'ai jamais rentré là-dedans. C'était en bois, ça? C'était en bois rond, ça? Hey, ça a été gossé. Ça n'a pas été gossé. Comment ça? Ça a été négocié. Oh! Ça a été négocié. Nous l'avons négocié. Par qui? Par des bûcherons. Oh! Oh, oh, oh, oh! Les vrais bûcherons du Québec. Oh. Nous, de l'Église catholique, aïe, non. On peut. On peut quoi, gosser? Non, on peut intervenir dans le prix que l'on nous offre. Comme Dieu nous parle. Oh! Qu'est-ce qu'il vous dit? Baisse les prix. Oh. Baisse la tête. Oh. Baisse les mains. Oh. Et relève tout le corps. Oh, aïe, aïe. Alors, pas rentrer dans le confessionnal. Ouais, mais ça, c'est gossé. C'est gossé. C'est gossé avec... avec des... avec des instruments. Des instruments de torture, de torture, de torture. On torture le bois. On le fait travailler. On lui dit, tu vas en connaître des choses, tu vas en entendre. Et tu te transformes en confessionnal. On va te vernir, comme ça on va te boucher les parois. Ah mon Dieu. Tu ne pourras pas parler. Oh. Tu ne pourras pas gicler. Oh. Tu ne pourras pas transpirer. Oh. Tu ne pourras rien dire. Oh. Tu seras dans le mutisme complet. Oh. Pourquoi ça? Parce qu'ils sont des confessionnaux. Des confessionnaux? Des confessionnals. Nal. Rénal, oui. Rentre dans le confessionnal, oui. La petite vitre, est-ce qu'on peut ouvrir la petite vitre? C'est pas une vitre, c'est un coulis. Oh, non, c'est une coulisse. Coulisse. Coulisse. Ouvre la coulisse, ma coulisse. Bonjour, monsieur Curé. Bonjour, mon frère. Je suis pas ton frère. Vous voyez moi? Non, je vous vois pas. Non, vous voyez moi. Vous voyez moi? Non, je ne vous vois pas. J'ai pas dit de me voir. J'ai dit vous voyez moi. Vous voyez. J'aimerais bien ça, là, mais il y a comme un grillage. Non. Utilisez le vous. Ah, utilisez le vous, oui. Vous êtes heureux? Ah ben, c'est pas moi qui pose les. C'est pas vous qui posez les questions. OK. Vous avez péché, mon frère? Moi, je suis pas votre frère, moi, là. Je suis pas de descendance avec vous, puis même si je le serais, je n'oserais même pas le dire. OK, mais l'excuse, c'est mon sexe qui est un problème. Ça te va, mon sexe est un problème, là! Le curé aime ça, là. Hop, hop, hop. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons. On peut sortir n'importe quel sujet. On peut autant entrer dans un monde que de sortir, là, d'y en sortir. Il n'y a pas de problème avec ça, là, disons. On va et on vient. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « juteux ». Oh mon Dieu, on était à la confession. Oui, juteux. Juteux. Juteux. Qui est-ce qui est juteux? Ben, un jus. Un jus juteux. Un jus juteux. Avez-vous le jus juteux, madame ma... Moi, j'ai toujours... Oui! Et puis... Ah, ben moi, plus c'est juteux, oui, plus c'est savoureux. Oh! Attention, là. Elle vient de dire, madame ma... Plus c'est juteux, plus c'est savoureux. C'est vrai qu'un steak, là... Saignant, là... Tu prends ta fourchette. Tu vois, premièrement, ton steak, là... Il émane une senteur exceptionnelle. Tu salives, là, tu dégoulines au niveau des deux babines. Là, t'es comme un être primal. Là. T'es comme un cannibale. Là. T'es comme quelqu'un, il faut que tu manges ton steak. Là, il est beau, là, il est gros, ton steak. Là. Puis tu l'as demandé saignant. Il y a le riz, il y a les petites pétacques, puis il y a des frites. T'as le choix, t'as trois accompagnements, là. Là, il y a ton steak qui est là. Là, tu prends ta fourchette, là. Tu le rentres dans ta viande. Tu vois que ton steak se laisse peser par la fourchette. Oh! Fais rentrer la fourchette dedans. Là, il y a un peu de sang qui coule. Il souffre pas. Il ne souffre pas. Il jouit. Là, tu prends ton couteau, tu coupes. Mais c'est tellement facile. C'est tendre. Comme le cœur d'une femme. Oh! Et là, tu mets ça dans ta bouche. Tu laisses fondre. Et là, tu as le choix entre la patate, le riz ou la frite. Là, tu prends la patate au début. Lâche pas la patate, Rénale. Lâche pas la patate. Il y a une chose qu'on peut te dire ce soir, lâche pas la patate. Et... J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous êtes passé à côté de mon travail. J'affirme que vous travestissez ma pensée. Que l'on vous ait confié une chair, quelle qu'elle soit, est une chose confondante. You've heard the story of Jesse James. Of how he lived and died. If you're still in need of something to read, here's a story

C'est la fin de l'émission. Ah, oh, mais c'est pas sérieux. Oui, mais oui, Ronald. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fermeture. Ben oui, on n'a pas terminé. On est en pleine errance. Ben oui, mais il y a trop de temps de passer. Oh, non. On se retrouvera la semaine prochaine. Oh, mon Dieu. Le cabinet d'errance. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Le cabinet d'errance. On le dit. On le redit. Faut le dire rapidement parce que là... Le temps court. Le temps court. Le premier temps est dans le champ gauche. Le deuxième temps prend son temps. Oh, on a le temps, là. On dépassera si on veut dépasser. On a la liberté absolue, là. On fait ce qu'on veut. C'est ça, là. Hein? On est heureux. Là, on n'a pas le temps. Ils vont continuer. C'est comme ça que ça se passe. Ah, mon doux. OK. Un nouveau numéro d'improvisation, le cabinet d'errance, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien, dit-il en avalant sa salive. On n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est le slogan? Non, c'est la phrase que vous venez de dire. Oh! Du tutoiement au vouvoiement. Oui. Oui, monsieur. La lune livre des histoires dans l'obscurité des confidences. Là, les gens ont pas... Oui, oui, les gens ont bien compris. Ont très bien saisi les adjudants. Les adjudants? Les adjudants qui s'érigent devant eux. La lune livre des histoires dans l'obscurité des confidences. Combien de fois? On n'a pas avoué des choses la nuit. Combien de fois on s'est pas senti mal la nuit? Combien de fois on a brouillé, on a brisé, on a broyé, on a coupé finement, on a saupoudré toutes nos idées négatives la nuit? Oh mon Dieu. La nuit, oh mon Dieu, est un moment de la journée méprisé par plusieurs, ou peut-être même un moment de la nuit qui fait peur à plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il fait noir. Quand il fait noir? Ben, quand il fait noir, il fait noir, là. Oui. Mais il fait pas clair. Oui. Puis c'est pas clair, là. Dans tes pensées? Dans toute pensée humaniste, dans toute pensée du genre humain, quand il fait noir à l'extérieur, quand on voit rien en avant, on voit rien dans notre tête. C'est pas limpide. Oh. Et quand c'est pas limpide, ben, c'est sombre. C'est plus que sombre, c'est macabre. Oh. Et le côté macabre de la société est tenu par les gothiques. Les gothiques aiment ça la nuit, là. Ils se réveillent de leur... Ils ouvrent leur tombeau, là. Ils placent leur dentier de Dracula. Voyons, pas de colle. As-tu de la colle, Germaine? Mais il y avait de la colle hier au soir, mais tu l'as mangé. Ben oui, mais parce que je pensais qu'en mangeant de la colle, j'allais sécréter de la colle. Même l'imbécile, c'est toi. Quel est ton nom, mon? Ben oui, c'est une gagnante. J'ai mangé tout ton pot de colle. Ben oui. Ben, c'est ça, il a mangé tout ton pot de colle, là. Et je croyais. Ben oui, mais arrête de croire, mon Saint-Simonac. Comment ça, t'es arrivé avec une conclusion semblable? Ben j'imaginais. Comment? J'imaginais. Arrête d'imaginer, toi, là. Plus t'imagines, moins t'as raison. Ben oui, mais oui, je croyais que manger, garde. Quand j'ai faim. Oui. Je mange. Oui. Ben, j'ai plus faim. Oui. Mais manger de la colle, je me suis dit que peut-être que j'allais amener de la colle dans ma bouche. Eh, monsieur. Sécréter de la colle? Sécréter, mon sécrétaire, toi. J'en ai plus de colle à cause de toi. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos dentiers de vampire? Ben, on va les tenir avec nos doigts. Ben ouais, ça, ça là, tu sors d'une ruelle, ça fait, hey, en tenant ton dent, hey, ça fait brillant, ça, là. Ça fait des vampires qui tiennent à leurs dents. Ben oui. Là, je commence à avoir une dent contre toi. Mais j'espère que c'est pas la molaire, parce que c'est celle qui mord dans la peau de... Tu te souviens, Mimosa? Oh mon Dieu, le coup de Mimosa. Ben, il était tout blême, le coup de Mimosa. J'avais mis de l'alcool à friction. Ben oui. Parce que je voulais pas m'infecter, hein. Ben, elle est propre, cette femme-là. Ben, c'est pas une femme, c'est une fille. Oui, ben, elle est propre, cette fille-là. C'est pas une fille, c'est ma voisine. Ben oui, mais elle est propre, cette fille-là. Ben oui, mais elle est propre, mais moi, je savais pas qu'elle était propre. Ouais. Comment ça? Ben, je la voyais pas prendre son pain. Oh! Je la voyais pas se nettoyer. OK. Alors, moi, j'ai mis de la friction avant. Là. Comment t'as fait ça? Ah, ben, j'ai dit, j'ai une nouvelle façon d'enlever de l'acné. Là, elle a dit, ben, j'ai pas d'acné, moi. Elle a dit, ben non, même si t'en as pas, ça va l'enlever, ce que t'as pas. Hey, ça, c'est fort, ça. Elle t'a cru? Ben oui, elle m'a cru. Moi, j'ai l'air tout à fait solvable. Solvable? Ah, ben, quand je te vois la face, là, je te donne absolument rien. Ah, bon. J'ai pas l'air sérieux? Non. Surtout pas dedans, là. Ben oui, mais je pensais que manger de la colle, je sécrétais de la colle. Ben oui, mais c'est pas ça, là. Mon autocollant. Ah, je suis autocollant, hein. Non, t'es plus collant que Toto, toi. Moi, je suis Toto puis je suis collant. Ah oui, très collant. Dans le Toto? Dans le Toto. Dans le Polo? Mais pas dans le palais, hein. Non, pas dans le palais. C'est... Plus que t'es dans le palais, là, plus j'aimerais ça. Pas m'en parler. Mais je vais t'en reparler avant. Ah, tu vas m'en parler? Ben, je fais ça. C'est pas le temps de t'en parler. Je sais, Alvi, ça passera, ça passera. Tout ça, c'est seulement une phase, rien d'autre. Enfin, tu as été marié, Alvi, tu dois connaître ce genre de choses. T'étais tout feu, tout flamme pour Allison au début. J'étais tout feu, tout flamme, car la lune me livrait des histoires dans l'obscurité des confidences qui m'alimentaient vers nous, vers notre amour, vers notre autre façon de voir la vie. Entre moi et moi. Oh. Entre nous et nous. Nous et nous. Oh. Entre vous sans nous. Oh. Entre renard et loup. Entre loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard chanter. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard chanter. Et j'ai vu que c'était la fin de l'errance rénaldienne. Et je tiens toujours à souhaiter un joyeux anniversaire à mon amie Isabelle. Et je veux toujours aussi vous souligner que vous êtes à CKRL le 89.1 et vous écoutez Errance Rénaldienne. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, même adresse, même station de radio. Syntonisez-le, là. Mettez-le dans votre mémoire. J'ai pas de mémoire. Non, mais votre mémoire de radio, là. Vous avez une radio à mémoire? Non, moi, j'ai une radio à pédale. Bon, comme Elton John. Comme Elton John. Bon, OK. Lâchez la pédale, oui. Alors, je vais lâcher Elton John. Lâchez Elton John. Alors, restez des nôtres, parce que ce qui suit, là, c'est plus que de la musique. C'est toute l'intelligence harmonique de Daniel Marcoux. Parce que Daniel Marcoux, contrairement à moi, il connaît toutes les variations musicales, tous les chants socio-culturels, des masses laborieuses qui s'expriment à travers la mélopée qui l'anime depuis la naissance. Cet enfant-là est né en chantant. Sa mère, là, il sifflait. Déjà, il connaissait toute l'œuvre de Michel Sardou. Ça, c'est comment? C'est mal sa vie, ça. Là. Après ça, il s'est comme intéressé à la musique underground, au jazz, au blues. Après ça, à qui, donc? À la West... Ah oui, à Johnny Cash. À Camille. Serge Gainsbourg. Nina Simone. Eh bien, c'était Errance Rénaldienne. Merci. À la semaine prochaine, si tout va bien et si nous sommes encore ici. Bye-bye. Je voudrais même savoir, y'a toutes ces intérêts.